Wow, on stoppe la machine. Stop. OK. Bienvenue à l'Horreur Gamer, épisode numéro 16. J'ai Sébastien avec moi ce soir. On est que deux, parce qu'on colle un épisode spécial. On colle un épisode plein rempli de spoilers sur le remake d'Evil Dead qui est sorti tout récemment. Donc, je tiens à dire à tous nos auditeurs que si vous n'avez pas vu le film, arrêtez l'épisode maintenant, surtout si vous avez l'intention de le voir, parce qu'on va vous le scraper. Puis rendez-vous un petit service, on va le dire tout de suite, ça vaut vraiment la peine de le voir ça en salle. Bonsoir Sébastien. Hey, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, tu sonnes grindé mon gars, avec un beau bonsoir comme ça. Ben oui, ben écoute, c'était le maximum d'énergie que je pouvais donner, fait que je m'en vais me coucher un petit peu. C'est bon. Bon, ben merci de nous avoir écoutés. Non, soyons sérieux. Evil Dead 2013, Sébastien. Mm. Quel projet ambitieux. Toi, tu y croyais-tu au début? Ben, tu faisais-tu partie des sceptiques ou tu faisais partie de ceux qui mouillaient juste à voir les posters puis les entrevues? Ben regarde bien ça, c'est exactement comme ça que je voulais commencer. Parce que disons-le, on n'a aucun plan pour le show, hein, encore l'épisode spécial, on verra bien ce que ça va donner. C'est l'épisode pas le temps de niaiser, le film vient de sortir. Exactement. Si on recule, mettons, plusieurs mois en arrière, avant même les trailers, avant même les premières photos... un remake d'Evil Dead, c'était, écoute, c'est de toucher à quelque chose de sacré. On le sait, tout le monde, écoute, n'importe quel fan d'horreur, même des non-fans, tout le monde connaît la série Evil Dead. C'est quelque chose de complètement sacré, tu ne touches pas à Evil Dead. C'était le projet le plus ambitieux et qui avait le moins de chances de réussir au monde, selon moi. Juste de le refaire, ce film-là, c'était impensable. Essayer de recréer un personnage comme Ash, voyons. Commande, ça se peut juste pas. Fait qu'au début, au début de tout, quand j'ai juste entendu parler d'un remake d'Evil Dead, oh que non, je voulais tellement rien savoir de ça, j'étais le premier à dire que jamais je vais payer pour voir ça. Puis tu sais, pourtant, je suis un fier défenseur des remakes. Mais... Ben là, regarde, je pense que le monde le savent un peu, là. On crache pas sur des remakes. Okay. Non, mais... Il donne autant de chance qu'à l'original. Sauf que moi, je fais partie de ceux qui... Il faut que le remake ait une raison d'être. Là. Il faut qu'il ait besoin d'être fait. Tu sais, si on parle, mettons, présentement, là, je regarde les promos du remake de Carrie. It's good. T'sais? Ouais? Non, moi, je trouve que c'est un film qui a aucun besoin d'être refait. Moins que Evil Dead, ça, je suis d'accord. Ben, ouais. Non, mais dans le sens que Carrie, c'est encore actuel, puis je pense que l'histoire... une histoire de bullying puis de vengeance, ça c'est extraordinaire, ça marche encore. Ben oui, tout à fait, mais tu sais, le vieux marche encore, mais ça c'est pas de ce film là qu'on veut parler. Non. Toi, ta première idée avant même les photos, les trailers et tout d'un remake d'Evil Dead, c'était quoi? Tu vois, moi j'adore Evil Dead, j'aime ça, mais je ne suis pas un fervent défenseur d'Evil Dead. Je reconnais les erreurs de cette la première trilogie, puis j'étais vraiment enthousiaste d'un remake parce que, tu sais, moi, dans ma tête, là, tu fais un remake, là, s'il est pas bon, ben, just too bad, moi, je vais continuer à écouter l'original, tu sais. Tout à fait, oui, ça, c'est la meilleure attitude que tu peux avoir. Tu sais, de toute façon, il y a souvent du monde que, là, quand un remake va sortir, ce qu'ils ont peur, c'est que la nouvelle génération va préférer le remake à l'ancien. Mais je te mets au défi, là, de faire écouter l'ancien à un jeune de 16, 17, 18 ans, là, puis qui trippe, là. Oui, il y en a qui vont me dire, ouais, moi, j'ai 16 ans, puis je trippe sur l'ancien, là. Mais dans 80% du cas, là, ils vont chier là-dessus, ils vont dire, c'est quoi cette merde-là? Tu sais, ça a mal vieilli pour eux autres, tu sais. Ça, c'est clair, mon gars. Que le remake existe ou pas, c'est pas ça qui va les empêcher d'haïr l'ancien ou de l'aimer, tu sais. Non, moi, regarde, les films des années 80 qu'on a tant aimés, le trois quarts de ces films-là qu'on trippe aujourd'hui, puis qui sont refaits, puis qu'on les boude, soyons honnêtes, là, on a trippé là-dessus, ces films-là, parce qu'on était enfants. C'est des films qui nous ont marqués, puis qu'aujourd'hui, ils ont une grosse, grosse valeur nostalgique pour ça, mais souvent, c'était le trois quarts des gros films, des grosses séries, c'était juste des cash grabs, c'était des vraies cochonneries, mais tu sais, aujourd'hui, on les voit. On n'accepte pas, mettons, un remake comme celui de Nightmare on Elm Street en disant que ça a complètement pas de maudit bon sens, mais si on regarde, là, d'un point analytique des films, là, les Nightmare Nightmare on Elm Street, là, il y en a pas beaucoup qui sont super, là. Faut y ouais, penser non, un c'est peu. Ça. Mais on a le facteur nostalgie est fort, là, dans notre. Tout à fait. Dans notre idée écoute, du film. Dans 7-8 ans, on va avoir des jeunes pas plus cons que nous autres qui vont nous parler du remake de Nightmare on Elm Street qui vient d'être fait. Puis qu'eux autres vont triper, ils vont parler de comment que c'était bon, comment que c'était génial. Puis écoute, c'est comme ça. Il y a pas. C'est ça que je dis. Ils sont pas plus cons que nous autres, là. Puis c'est pas de moins des appréciateurs d'horreur pour autant, là. Exactement. Je trouve ça plate, comme attitude. Moi, quand je travaillais au club vidéo à l'époque, tu sais, je travaillais, bon, j'avais déjà, à cette époque-là, j'avais peut-être 27, 28 ans, tu sais. Mais je travaillais avec des jeunes de 19, 18 ans, 17 ans même, tu sais. Fait qu'eux autres, quand ils me parlaient des films d'horreur qu'ils avaient vus quand ils étaient jeunes, c'était The Ring. Ouais. Et tu sais, moi, The Ring, je l'ai vu, tu sais, pour quel âge je vais peut-être avoir 19, 20, 21 ans, tu sais. Eux autres, ils ont vu ça à 12 ans, tu sais. C'était le premier film d'horreur un peu interdit, tu sais. Mais ça va être ces films-là qui vont être leurs classiques à eux autres, tu sais. Puis c'est bien correct. Nous autres, on va avoir nos classiques, puis eux autres vont avoir les leurs. Puis ils vont avoir le même feeling de nostalgie envers ces films-là. Puis le même côté, je vais le défendre cœur et âme, que nous autres, on fait avec Evil Dead, ou ben, comme tu dis, Nightmare on Elm Street, ou les Friday the 13th. Bon. Ceci étant dit, allez chier les haters, parce qu'il y en a. Écoute, j'ai lu beaucoup, beaucoup de critiques sur le net après avoir vu le film, justement, voir qu'est-ce que le monde en pensait. Puis c'est autant noir que blanc, mais des haters qui de ce que j'ai cru comprendre, auraient voulu qu'il ait complètement juste refait le film. Fallait que l'image soit pas belle, que les effets spéciaux soient pas beaux, qu'ils soient pareils comme dans le temps. Il aurait fallu qu'ils soient filmés à 35 mm. C'est complètement ridicule. Fait que, tu sais, on est en 2013, là. Mets ça dans ta pipe, puis fume, hippie. Non, mais puis de toute façon, tu sais, s'il avait fait ça, on aurait dit que c'était un remake qui avait pas de raison d'être, tu sais. Bon. En bout de ligne, tu sais. Fait que, non, tant qu'à faire un remake, puis là, on s'entend, mais il va peut-être falloir qu'on en jase, mais est-ce que c'est vraiment un remake? Ah, ben ça, il y a des théories là-dessus, mais on en reparlera plus tard. Pour en revenir à notre point de départ, que tu disais que t'étais, bon, depuis le début, t'es comme enthousiaste à cette idée-là. Moi, je te disais que non, pas en tout, je crachais là-dessus. Ce qui m'a pas aidé, bon, je pense que c'est de bonheur dans le développement de ce film-là qu'on a su que, bon, évidemment, Sam Raimi et Bruce Campbell étaient officiellement les producteurs du film. Ça, c'est un bon relief, là. Tu te dis, bon, ben écoute, écoute, Sam Raimi, Sam Raimi dans l'horreur, il torche, là. Quand il a fait son grand retour avec Drag Me to Hell, moi, ça a été un de mes films les meilleurs de ces années-là. J'ai tellement trippé. Tout ce qu'il fait dans l'horreur, Sam Raimi, c'est un de mes tops. Puis tu sais, puis en tant que producteur, il a quand même produit du bon stock, là. Ouais, puis c'est qu'il y a quand même le dernier mot à dire en bout de ligne comme exact. Producteur. C'est sûr que c'est pas un effet complètement direct au film, mais il y a le dernier mot. Puis Bruce Campbell, ben, nah, The Man, come on, The Legend, c'est lui, là, écoute, on l'adore. Fait que ça m'a donné un gros relief de voir que ces deux-là étaient rattachés à ça. J'étais pas encore vendu. Là, la prochaine nouvelle qu'ils ont donnée, c'était que c'est Diablo Cody qui était supposé réaliser ce film-là. Là, mon gars, j'avais le goût de pleurer, quelque chose de rare. Je sais pas si tu la connais. Diablo Cody. Je suis en train de checker ça. Ah, ouais. Juno. Juno. Puis ah, Jennifer's Body. Ouais. Tu sais, Juno, je crache pas nécessairement ce film-là, mais. Non, mais écoute, on parle. C'est pas nécessairement un mauvais film, mais on parle d'un film d'horreur et d'un film de. Ouais. Ça a rien à voir. Bon, on connaît peut-être pas la fille, peut-être qu'elle a un. Elle s'est toujours penchant sur l'horreur, puis qu'elle a juste jamais eu le temps de faire ses preuves de bonne façon, mais ça lève quand même un doute. Hein? Ben, ça a été ma première réaction. Je dis, voyons pourquoi elle. Puis, ben, dans le film qu'on a vu cette semaine, le trois quarts de l'écriture de ce film-là, c'est son histoire à elle, okay. soit dit en passant, qui a été retravaillée par Fed, je sais pas comment dire ça. Fed Alvarez, exactement. Fait que c'est ça. Fait que Diablo Cody, moi, ça ne passait pas du tout. Encore un petit peu plus loin, là, on retourne, on a peut-être juste un ou deux mois en arrière. La première image qu'on a vue du film, qui est l'image qu'on reconnaît et qu'on voit partout, là, le visage dans la trappe, dans le plancher. Ouais. Quand j'ai vu ça, toute ma vie en virait de bord. Premièrement, j'ai été terrorisé. Même si ça a été mon fond d'écran, c'est toujours mon fond d'écran d'ordinateur. Là, j'ai dit, bon, on a quelque chose. Là. On a vraiment... On y a touché. Là. Après ça, ben, il est sorti le premier trailer, puis le Red Band trailer. Là, c'est... Non. Je le veux. Quand un Red Band trailer te fait grincer des dents, c'était de bien douleur, puis de « Oh, ça a de l'air horrible », c'est bon signe. Ben, c'est bon signe. Des trailers, c'est des trailers. Hein. Ça reste, oui, c'est ça. Ça peut promettre beaucoup, puis rien offrir. Fait que là, mais je peux dire que c'est ça. Quand j'ai vu le Red Band, là, c'était clair. Je vais jamais au cinéma. Je suis pas assez riche pour ça. Je trouve ça. Et puis, dans mon bout, mettons que le cinéma, c'est pénible, là, parce que c'est tout le temps rempli de jeunes morons qui sont troublants, puis qui brûlent mon expérience. Mais là, ouais, ça a fait que non. Là, faut que je voie ce film-là en salle. C'est urgent. Puis, tu sais, la journée même que ça sort. Ce que j'ai pas fait. Mais quand même, je me suis quand même débrouillé. Fait que c'est ça. Comment est-ce qu'on parle de notre Evil Dead? Je vais te laisser parler de l'ouverture, mettons, l'introduction. L'introduction? L'introduction, le début de tout. Ben écoute, c'est ça, comme ça commence quand même assez raide. T'sais, tout de suite, une fille dans le bois qui a de l'air poursuivie par du monde, qui finissent par l'attraper, lui mettre un sac sur la tête et l'attache. Dans un sous-sol, bon, rendu là, on peut quand même deviner que c'était le sous-sol de la cabane, puis l'accuse d'avoir tué sa mère, puis elle comprend pas, puis bon, ils disent la seule chose qu'on peut faire, c'est de te brûler, puis bon, juste avant de la brûler, évidemment, bon, la fille se transforme en Deadites, ce qu'ils appellent en anglais, les possédés. Ouais. Bon, on va appeler les possédés. Elle se transforme en possédé et nous fait un petit jump scare et promet à tout le monde qu'ils vont mourir, et etc. Et ça commence là-dessus avec les lettres de Evil Dead qui nous apparaissent en gros sang et quasiment en punch. Tu sais, là. Est-ce que t'as vu, excuse-moi de te couper, est-ce que t'as vu la version originale ou t'avais vu la version francophone? Ah, moi j'ai vu la francophone. Ben, moi, des originales, c'est rough à voir. Ouais, ben c'est ça, moi j'ai eu, disons que j'ai eu une drôle de... En tout cas, c'était pas super légal de la façon que je l'ai vu, mais ça n'a rien à voir avec Internet. Je l'ai vu en salle, mais j'ai vu la version originale. Fait okay. que j'ai eu cette chance-là. Quand le film a commencé, l'introduction que tu viens de parler, où c'est que ça s'en va? C'est quoi ça? On n'a pas vu ça dans l'original. Moi, c'est sûr qu'il fallait, écoute, tu peux pas ne pas comparer, là, Evil Dead. Mais tu vois, t'as un peu, excuse, je te coupe, tu dis on n'avait pas vu ça dans l'original. Ben, justement, c'est le fun que le film commence puis qu'on fasse comme, wow! OK. Oui, mais est-ce que... Est-ce pas que, pas tout comme l'original. T'sais. Non, mais est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que, justement, j'avais de la misère à mettre ça sur une timeline. Là, on est où dans le film, là? Parce que j'essaye de me replacer dans l'autre. Je comprends pas trop ce qui se passe, mais là, elle a lâché la ligne. C'est pour ça que je te demandais si tu l'avais vu en français ou en anglais. C'est quand qu'elle dit à son père... Alter your soul. Quand elle a dit ça, j'ai eu des frissons sur le bras parce qu'elle l'a dit sur le même fucking ton que dans l'original. Puis la même affaire, sa voix est doublée. Puis le double de sa voix, ça se trouve être la version originale. De l'original, oui. C'est ça? Ah, puis ça, regarde, je l'ai dit, c'est geeky au coton, mais des références comme ça à l'original, vraiment geek, vraiment subtil, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, puis justement, c'est plus là-dedans que le film va plutôt que dans le. Dans l'imitation. Il va dans le... Tu sais, le film va aller plus dans le fan service que dans le... OK, là, c'est le temps de faire la scène de telle affaire. Tout à fait. Mais quand je l'ai entendu dire ça, le Alter Your Soul, sérieusement, là, le poil m'a venu droit de ses bras. Puis bon, écoute, c'était une bonne occasion. Le poil te vient droit de ses bras. Je veux dire, son visage change. Elle est fucking épeurante. C'était génial. J'ai vraiment aimé ça. Tout de suite, là, j'étais prêt. Bon, amène-moi-en, là. Je le veux. Ouais. Prêt, go. Fait que si on continue avec l'histoire, je vais te laisser y aller. Ben écoute, là le film commence comme on l'avait vu, les cinq jeunes qui arrivent à la cabine, puis on comprend, puis ça c'est le fun, on comprend leur raison d'aller à la cabine, c'est que Mia, le personnage principal, est une héroïnomane ou cocaïnomane, je suis pas sûr. La héroïnomane. C'est héroïnomane. C'est hébreu, c'est héroïnomane. OK. Bon, et puis... Puis, tu comprends? Puis là, c'est ça. Puis ses amis décident de faire une genre d'intervention, cure de désintox forcée, parce que elle a fait une overdose il y a pas longtemps, puis elle a failli y passer. Puis bon, ils se disent ça va être difficile, mais on est là pour elle, puis on va t'as fait ça jusqu'à la fin. Moi, et là, moi, cette idée-là, j'étais totalement contre ça. Ouais. Pourquoi, je le sais pas. Mais j'écoutais ça, je dis, non, pourquoi? Je trouvais que c'est comme... J'ai dit, ils vont donner une fausse profondeur à cette histoire-là, que dans le fond, c'est juste une gang de jeunes qui s'en vont dans le bois faire le party. Je m'excuse, j'ai pensé ça. Ça finit par payer off solide sur tous les points. Ça vient... tout servir le film. Tout à fait, mais tu sais, quand fait... tu le sais pas, je trouvais que c'était une excuse minable pour avoir une espèce de d'attachement sentimental au personnage, peut-être que je même pas, tu sais. Non, mais je t'explique comment je l'ai compris en partant. J'étais contre cette idée-là. Ben moi, tu vois, je n'avais entendu parler avant. Fait que j'avais déjà, tu sais, je le savais déjà. Puis moi, j'avais juste hâte de voir à quoi que ça allait servir, tu sais. Puis je m'étais quand même déjà fait des petites idées, tu sais, en me disant, bon, OK, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Puis, écoute, c'est génial. Je t'en ai pas parlé, mais tout, je te l'ai dit, j'ai vu les trailers, j'étais super enthousiaste d'aller voir le film, j'avais hâte, puis je l'aimais à l'avance avant même de le voir, jusqu'à ce que je sache, j'étais en route pour le cinéma, puis là, j'étais en train de me dire, ouais, mais s'il est mauvais, là, j'ai commencé à douter au bout de voir est-ce que je vais... Moi, tu sais, mais ça, ce film-là, j'étais tellement plus sûr. Là, j'étais arrivé comme tout déstabilisé. J'avais besoin d'aimer ce film-là. Tu sais, je voulais l'aimer. Fait que c'est pour ça que j'ai tellement tout pris. J'ai tout écouté, tu sais, d'un sens un peu trop critique au début. Ça a été long avant que je profite de mon film. Fait que c'est pour ça que j'ai comme stické là-dessus. OK, mais tu vois, c'est ça. Là, ce qui se passe, c'est que... Bon, la cabane, puis le soir arrive, la fille file pas. Déjà là, elle freak, puis c'est rien passé. Elle est en carence, puis elle parle d'une odeur qui vient du sol, puis elle dit l'odeur est intolérable, puis elle est dans le sous-sol, aller voir c'est quoi. Bon, là, les gars vont voir, puis il y a un paquet d'animaux pendus, des chats. Oui, quoi. Monsieur, des chats. Des chats éventrés, brûlés, fouille-moi. Puis on reconnaît même la poutre où la fille du début a été brûlée. Mm-hmm. Donc on se dit, OK, c'est vrai, c'est là que ça a été fait. Puis ils vont trouver, par le fait même, le Necronomicon et le Boomstick. Ouais. Et le Necronomicon, Asto qui est bien protégé, moi j'ai trouvé ça le fun. Ah, dans l'original, il trouve qu'il traîne sur le coin d'une table. Mais là, emballé dans du plastique avec des barbelés solides autour, là, c'est comme, hey, touche-y pas. Mais on s'entend que tu trouves un livre emballé dans du plastique avec du barbelé autour, qu'est-ce que tu as le goût de faire? C'est toujours bien juste un livre. Moi, là, le monde qui chiale contre les personnages de films d'horreur qui prennent des décisions niaiseuses. Non, écoute, mets-toi à leur place. Des décisions niaiseuses, oui, peut-être, parce que j'ai mes goggles de films d'horreur, si on veut. Mais non, écoute, ça prend ça. Les gars de Bloody Good Horror ont écrit un livre sur les... Pas un livre, un gros article super super puissant sur les décisions stupides de films d'horreur. Qu'est-ce qui serait pas arrivé dans le monde si ça aurait pas été certaines décisions stupides? Puis sérieusement, ça vaut la peine d'y penser. Ben écoute, le premier Evil Dead, sans les décisions stupides, n'aurait pas existé non plus. C'est juste que le monde l'oublie, tu sais. Mais ça, au pire, je pourrais y revenir tantôt. Mais donc... Ils vont trouver le livre, puis Mia filera pas. Puis au cours de la soirée, là, je vais peut-être oublier des détails. Un des deux gars, je me souviens pas de tous leurs noms, il va décider d'ouvrir le livre. Bon, dans le livre, c'est bien écrit. Ne lisez pas ce livre, n'écrivez rien, ne dites rien à voix haute. Mais lui, bon. C'est un livre, là, tu regardes ça pis tu trouves ça drôle, là. C'est comme te faire dire, touche pas une table de Ouija, une planche de Ouija, tu vas caler des esprits. Tu sais, combien de monde vont faire, ah ouais? Pas game. Ouais, c'est ça. C'est exactement le même feeling. Fait qu'évidemment, bon, il va dire à voix haute ce qui est écrit dans le livre. Et là, c'est là que, justement, on n'a pas le tape comme dans le premier, tu sais. Là, c'est plus le gars lui-même qui va libérer le démon. Et, bon, évidemment, libère le démon. ce personnage-là, le gars qui lit le livre. Mettons qu'on fait une description vivide des personnages. On a Mia, c'est ça qui est celle en sévrance, si on veut. Mm-hmm. On a son frère et sa copine. On a l'autre personnage masculin, appelons-le le professeur, celui qui vient justement de lire le Necronomicon. Il s'appelle Eric. C'est ça, lui c'est un professeur. Les noms d'en face. J'étais convaincu que c'était le comic relief de ce film-là. Lui, juste en voyant la tronche, là, mais non, finalement, c'est un très bon personnage. Ouais. On a une infirmière aussi, son nom c'est... Olivia, exactement. Fait que c'est l'infirmière est là pour comme superviser le espèce de processus de sévrance. Le frère et sa copine, c'est des supports moraux. Fait que... Puis tu sais, ce que j'ai trouvé ça le fun, c'est que, bon, là, libère les esprits, mais, tu sais, Mia décide de sacrer son camp par elle-même, tu sais. Il n'y aura pas d'histoire de... on essaie de la sortir comme dans le premier. C'est vraiment elle qui part avec le char. C'est ça, qui part avec le char, qui décide de sacrer son camp. Et... va apercevoir quelque chose dans le chemin, pogne un accident, et en se sauvant dans les bois, et là arrive la scène qu'on attendait du premier. Excuse, je coupe vite parce que j'ai comme de me rendre compte qu'on a dit au monde que s'il n'avait pas vu le film, de ne pas nous écouter, fait que je me dis qu'on n'a peut-être pas besoin de décrire tant que ça. T'as tout à fait raison. Ouais. Puis la scène du viol dans la forêt. Ouais. Comment tu l'as trouvé? Extraordinaire. Ouais. Une autre promesse que le M. Alvarez avait faite en parlant de ce film-là, c'est qu'il n'y aurait pas de CGI. Mais le trois quarts des effets spéciaux seraient pratiques. Maudit que ça a paru. Dans cette scène-là, ça a été génial. C'était parfait. C'était juste parfait. En CGI, ça aurait pas marché. Cette scène-là était fucking troublante sur tous les points. Même quand on voit l'apparition de. Après, appelons-la la main. Ouais, c'est ça. Quand on a vu l'espèce de flash, my god, que j'ai eu peur, là. Tu sais, j'ai fait un tinceau solide, pis elle a un visage, ce qu'ils ont fait à ses yeux, ça marche, c'est vraiment efficace, là. Fait que, pis toute la scène des arbres, comment est-ce que ça bouge, je sais pas comment ça a été fait. God, que j'ai hâte que le Blu-ray sorte. Hey, <man. rire> le making-of de ce film-là va être intéressant. Ah, ça va être hallucinant. Mais quel effet spécial extraordinaire. Ça, mon gars, ça a gagné des points, là. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté, justement, de devenir critique pour le film. Là, je suis tombé en mode full fun. Ah ouais, let's go, donne-moi-en du film. J'ai réécouté le premier hier. Puis j'avais bien hâte de revoir la scène de viol. Parce que t'es un pervers, finalement. Hein? Parce que t'es un pervers, finalement. Ben, parce que je suis un pervers. Puis, je me suis rendu compte que la grosse différence entre la scène originale puis celle-là, c'est que dans l'original, on sent le viol. Les arbres, là, tu les regardes comme il faut, là, puis on dirait qu'ils pognassent la fille. Ouais. Tu sais, là, ils cherchent à aller toucher les seins. Ils prennent le temps d'y écarter les jambes bien comme il faut. Ouais. Ils vont déchirer son linge. On dirait vraiment là qu'elle est en train de se faire pognasser par les arbres. T'sais, vraiment là, violer. Tandis que dans lui, oui, c'est une scène de viol, mais on dirait plus que c'est j'ai besoin de rentrer quelque chose en toi. Ouais. Puis je vais passer par le vagin parce que c'est par là que ça me tente que Parce passe. Qu'elle avait déjà gueule pleine. C'est vrai, elle avait déjà une branche grosse comme un tronc dans la gueule. Ah non, mais c'était brutal, c'était violent. Oui, c'est ça, justement, c'était beaucoup plus brutal, c'était beaucoup plus violent que érotisant, si on veut. J'utilise le mot érotisant, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Tu sais, là, on en parle en riant, mais en le regardant en salle, là, my God, j'avais pas le coup de rire, là. Non. C'était trop bien. Ah non, puis là, moi, là, c'est à partir de ce moment-là là, que je me suis dit, cette actrice-là, elle est incroyable. Oh, parce que là, elle arrive au chalet, là, puis moi, la scène où elle est dans sa chambre, puis son frère vient la voir, parce qu'il sait qu'elle file pas, puis elle a peur, puis elle dit, il y a quelque chose autour de nous autres, je le sens, là. La peur qu'elle a dans ses yeux, là, c'était mon gars. Je me suis dit que cette actrice-là a la capacité de jouer quelqu'un qui a peur comme j'ai rarement vu au cinéma. Là. T'en parles, ça semblait venir des trites. J'en ai des frissons, t'en parles, parce que j'ai des flashbacks, puis t'as tout à fait raison, c'était solide. Tous les comédiens de ce film-là J'ai absolument rien à dire sur personne. Ils étaient tous vraiment excellents dans ce qu'ils ont fait, mais elle, c'était exceptionnel. Pour une petite fille qu'on n'avait jamais vue, à part que dans quelques films de preteen, là, d'affaires ouais, de Walt Disney, ça, whatever, là, tu sais, je veux dire, elle sort d'un milieu complètement opposé à ce film-là. Elle a été fucking extraordinaire du début à la fin. C'était puis, vraiment moi, c'est à ce moment-là que moi, j'ai trouvé que c'était sa scène la plus forte de tout le film. Elle déchire complètement. Il y en a une autre qui me vient à l'esprit, mais on en reparlera plus tard. Puis là, ça, après ça, t'as bon, la j'essaie de chercher, parce que là, il avoue qu'elle file pas, me semble. Ah oui, c'est ça, elle se ramasse dans la douche, finalement, puis elle va se brûler. Hey, c'est elle s'en va se brûler dans la douche, c'est fou, cette scène-là. Ça a vraiment l'air d'être épouvantable. Puis là, bon, c'est là qu'il va y avoir la fameuse scène de « on la sort de là, on l'amène jusqu'à la rivière ». Bon, là, plutôt que le pont soit pété, cette fois-là, c'est la rivière qui a... Elle a monté. Puis c'est encore plus intéressant parce que ça se peut. Tu sais, à ce moment-là, si t'es quelqu'un dans son entourage à elle, t'es pas en train de te questionner sur « what the fuck, qu'est-ce qui se passe ?» t'sais? Non. Parce qu'elle fait juste battre triper. Puis on sait qu'elle est en sevrage. Puis c'est là que l'idée du sevrage est intéressante. C'est que t'es pas en train de dire aux autres, voyons, vous êtes ben cave, vous allumez pas. Tout à fait. Mais ben, c'est venu intéressant là, puis c'est venu intéressant un peu plus tôt, la première fois où ce qu'elle veut se sauver. Puis que, tu sais, ils ont pris la peine de dire au début que, bon, c'est déjà arrivé cette histoire-là, c'est pas le premier sevrage qu'elle fait. Puis que, bon, ça avait mal tourné, c'est ça. Puis finalement, elle avait pas été capable d'endurer, elle s'était repoussée, puis bon, d'où la rechute. Fait que c'est pour ça que la première fois où ce qu'elle veut se sauver, qu'elle se sauve tout seul, c'est parce que personne veut l'accompagner, tu sais. C'est encore quelque chose qui a marché. Fait que mon idée du départ, que l'histoire du sevrage, justement, c'était une mauvaise idée, j'étais complètement dans le champ. Finalement, c'était bien parce que ça a servi extrêmement jusque-là, tu sais. Oui, exactement. Puis c'est un autre moment que j'aime bien dans cette actrice-là, c'est quand il arrive où la rivière, puis là, il regarde son frère qui est avec elle dans la voiture, il est sorti de l'auto, il regarde la rivière, il se rend bien compte qu'il va falloir virer de bord, puis il se retourne vers la voiture en voulant regarder sa sœur, en se disant « Mon Dieu, je pourrais pas l'amener à l'hôpital ou quoi que ce soit ». Elle est toute maganée, elle vomit un peu sur le bas, elle a du vomi un peu qui sort de la bouche, mais dans le... Son visage, il y a un semi-sourire de You're doomed. Tu sais, là. Oui, quelque chose du genre. Je me demandais si c'est pas. Je suis content que tu dises que tu l'as vu, parce que je me demandais si c'est pas moi qui voulais le voir, cette espèce de sourire-là. Mais il était là. C'était complètement. C'était du génie. Vraiment, vraiment bien. Et puis il était juste bien subtil. Il était là, puis tu sais. Encore une fois, c'était pas genre du gros ou tu sais, quelque chose comme ça. Non, tu sais. C'était dans subtilité jusque-là, puis ça marchait. Tu sais, là, ça l'a dit clairement dans le film. C'est comme, excusez le latin, mais quand que le shit hits the fan, là, c'est là. C'est ça qui a tout déclenché. Là, c'est plus comment, drôle. Là. Comment t'as trouvé sa vraie apparition quand elle arrive tranquillement pendant qu'eux sont en train de discuter de tout ça dans le salon? Attends un peu que je me souvienne. Elle traîne tranquillement le gun. Oh my fucking god! C'était troublant parce que, de un, tu sais, le gun il rentre en scène là. On n'avait eu aucun indice que ça, à part un petit gun à clous, là. Mais tu vois, là on parle d'un 12, là. Ouais. C'était assez troublant, mais. Encore une fois, c'est ça, une scène qui est marquante dans le jeu de l'actrice parce qu'on dirait qu'elle. Elle est pas là. On sent la possession. On sent qu'elle est pas en contrôle de ses moyens. Puis c'est fucking extraordinaire. Ouais. Puis, excuse-moi. Ouais, t'as-tu pesé sur mute en toussant? Ouais, j'ai pesé sur mute après avoir toussé. C'était mauvais timing. Super. Je me suis excusé sur mute. j'ai un blanc là, dans toute cette scène-là. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont la laisser aller dans la trappe, parce qu'elle va tirer dans la fenêtre, mais elle va pogner son frère aussi quand même un peu à l'épaule. Oui. Il y a la transition entre elle puis elle possédée qui se passe. Oui. Mais c'est ça, c'est elle tire, elle devient complètement folle. Encore une fois, elle lâche la ligne Alter Your Soul après l'autre. You're all gonna die, nanana. Exactement. Puis il y a un sale fight qui est putenable, essaye de bouffer tout le monde, puis c'est comme ça que c'est ça, elle se ramasse dans la trappe. Ben c'est là qu'elle vomit d'en face. Oui! Man! Vraiment, du sang. Mais tu sais, vomir du sang, on a vu ça souvent, mais à ce point-là, oh my God! Il y a du sang, puis on dirait que c'est ça que j'ai trouvé cool. C'est pas juste du sang, on dirait que c'est du sang et du vomi. Ouais! Des motons là-dedans, tu sais. Moi, je me souviens, quand la scène est arrivée, moi, je suis allé voir avec ma blonde, et je me suis détourné vers ma blonde pour voir, tu sais, parce que ma blonde, toutes les fois que j'écoute un film d'horreur, tu sais, c'est pas elle qui le choisit, mais elle l'écoute quand même avec moi, tu sais. Fait que je suis tout en train de checker un peu ses réactions pour voir, bon, elle aime-tu ça, c'est son style, faut-tu me fier à ça? Et à ce moment-là, c'était un plaisir de la voir faire comme, oh mon Dieu, c'est dégueulasse! Ah non, mais écoute, c'est une averse de vomi et de sang carrément dans sa face. Mais moi j'ai, écoute, comme j'ai dit, j'ai eu droit à un visionnement, disons, privé et particulier. Je me suis levé, moi, puis j'ai applaudi. Là, c'est comme, ouais! J'étais content, là. C'était vraiment un de mes moments que j'attendais. C'était superbe. Puis, là, ben, évidemment, là, elle vient de contaminer son amie, l'infirmière. Puis, l'infirmière, elle, là, c'est assez freak, là, ce qui va se passer avec elle. Oui, ben oui. Mais on le voit. Tu sais, mais. Tu sais, à chaque fois qu'il y a une personne qui va devenir possédée, même elle, là, quand c'est bouillante là, dans dessous de la douche, on le voit dans le Necronomicon, on voit une page là, qui donne un aperçu. C'est comme le livre qui fait comme prédire ce qui va se passer. C'est comme si c'était une recette. Ouais, exactement. As-tu aimé ça? Moi, j'ai adoré ça. C'était cool, hein? Parce qu'en même temps, on dirait qu'on avait un aperçu, puis moi, je me disais, là, justement, dans le cas de l'infirmière, je me disais, oh non, je vais pas voir ça. Non? Ben, parce que, en plus, ce qui est arrivé dans le cas de l'infirmière, c'est qu'elle s'en va à la salle de bain. Puis là, t'as le fameux miroir du cabinet. Là, puis là, c'est le fameux shot classique que tu fais. Bon, elle va refermer la porte, puis il va être en arrière d'elle. Ouais, c'est ça. Puis là, finalement, la porte se referme tranquillement. Puis là, déjà, tu fais comme, OK, la porte se referme tranquillement. Je devrais pas faire un saut quelconque. Mais non, c'est sa face dans le miroir. Puis après ça, le miroir qui pète dans la face. Là, t'es comme, wow, OK, on est ailleurs dans le cliché du miroir. Mais c'était tellement une bonne idée, mon gars. Ce que j'ai aimé par la suite, c'est le gars, pendant qu'elle est dans la salle de bain, puis qu'elle est en train de s'arracher la face. Ouais, disons-le, elle s'arrache la peau du visage avec un bout du miroir, là. Mais le son. Le son. Ah, c'était dégueulasse. Dégueulasse que l'image. Oh oui, dégueulasse, mais le son, t'es comme, man, c'est exactement. Quelqu'un qui a déjà été à la pêche, là, mais quelque chose comme ça, là. Qui a déjà été fait du poisson, là. Coupé une tête, là, ben, c'est exactement ce son-là. Tu sais, tu coupes à travers des cartilages, puis tu frottes des os, là. C'est ça, là. C'est dégueulasse. C'était parfait, là. Mais quand on a l'espèce de reveal aussi de sa face arrachée, écoute, je veux dire, elle a pas arraché un petit chunk de joue. Non, Chris, elle s'est bouffée à moitié de la face, là. C'est quand même... Ah, là. Puis tu sais, le gars, qui il s'en va la voir, il s'enferme sur son morceau de face à terre, man. Il glisse sur sa joue, tu sais. C'est parfait. Oh, ouais, man, c'était tellement beau, là. Ce bout-là, c'est du gros bonbon, tu sais. Puis elle va, bon, on va le poignarder, mais après ça, il te la défonce à coups de bol de toilette. Attends, là, elle va pas le poignarder. Elle le stab avec une seringue dans l'œil. Oh, oui, c'est vrai. Hey, j'avais complètement oublié cette... Non, c'est assez épique. C'est parce que lui, il porte des lunettes. On parle de notre personnage professeur qui porte des lunettes. Ben, t'as le stab dans l'œil, mais sur la lunette avec... avec une seringue. Mais finalement, la vitre finit par péter, puis elle te plante ça juste en dessous de l'œil, assez élevé pour que l'aiguille reste plantée. Man, quand tu se l'enlèves, l'aiguille. Ah! C'est efficace. C'est horrible, c'est horrible. C'était vraiment efficace. Puis là, on en vient à lui finit par la détruire à coups de bol de toilette. Écoute. C'est quand les autres arrivent, tu sais, dans sa face à lui, qui a l'air comme de dire, ben écoutez, essayait de me manger. Si vous vouliez que je fasse. Mais c'est parce que c'est sûr que c'est dur à expliquer. Je veux dire, sa face est étendue sur 2 mètres carrés, là, tellement qu'il l'a. Ah, il te l'a débâti, solide. Débâtir, c'est exactement la meilleure expression que tu pouvais pas donner. Là, c'est un peu. Là, après ça, ils vont aller dans le shed pour guérir le gars, pour le soigner. Oui. Attends un peu, j'essaie de me souvenir. Là, j'ai comme un overdose dans mon cerveau de bons moments. Là, j'ai comme. Oui. Si je me trompe pas, il s'en va dans le shed Ah non, oui, c'est ça, ils s'en vont dans, il me semble que c'est ça, ils s'en vont dans le shed, puis parce qu'ils veulent trouver quelque chose pour le soigner, puis ils vont y mettre du duct tape ou je sais pas trop. Là. C'est la première fois où on voit la chainsaw dans le shed, d'ailleurs. Ouais, ouais. Quand ouais. que je l'ai vu, puis j'ai fait comme, ah fuck, il passe tout droit. Ah non, c'est pas pantoute à ce moment-là, c'est beaucoup plus tard. Mais ouais. Puis, qu'on est rendu. Écoute, là, on, c'est sûr que là, on en skip des bouts. Moi, on parle de ce qui nous a marqué. T'as la blonde qui revient chercher de l'eau avec du sucre parce que bon, il y a pas du sang, il fallait prendre. Ouais. Là, bon, elle va se faire avoir avec le fameux je suis correct. Ouais, c'est ça. C'est Mia qui est dans sa trappe qui essaie de. Ouais. Fuck, elle, depuis qu'elle est dans la trappe, on la revoit une fois de temps en temps, on la voit jaser à l'OGQ. Tu sais ce qu'on a vu dans la pub, ce qui a fait que je voulais absolument voir aussi la version originale, c'est la pub anglophone versus la pub francophone là, le je vais tous vous attraper, il était vraiment pas aussi creepy que l'autre là. Fait que mais toutes ces espèces de scènes là de elle qui est dans la trappe puis qui essaye de qui parle puis qui se parle à elle-même puis qui essaye de convaincre les autres que tu sais c'est Mia, c'est pas un, ça a marché, mais ça a marché solide, puis c'est un des points forts par rapport à l'original, c'est que là, j'étais convaincu. Étant donné qu'on a eu zéro comic relief, aucune fois le goût de rire dans ce film-là, là, j'étais vraiment inquiet de ce qu'elle pouvait faire. Tu sais, en tout cas, l'inquiétude qu'elle inspirait, c'était magique. J'y ai cru, moi, cette scène-là, justement, où la blonde s'en va la rejoindre. Oui, parce que, tu sais, tu dis... Moi, tu te mets à la place, c'est ça, j'en ai parlé avec ma blonde, puis ma blonde a eu le mot juste, j'ai trouvé à ce moment-là, elle dit, ça vient tellement de chier partout, genre, tu sais, il y en a une qui vient de se faire tuer, l'autre s'est fait poignarder dans l'œil, tout va mal, puis là, t'entends l'autre qui a l'air de bien aller, tu veux que ça aille bien. Mais... Tout à fait. Tu fais comme, ah, oh, man, ok, oui, enfin, il y a quelque chose qui va bien. Oui, c'est vrai. Tu sais, puis, bon, effectivement, elle va se faire avoir. Et ça va être la séquence que tout le monde a remarqué quand on a vu le trailer. Le fameux exacto sur la langue. Ah! Man! Symbole phallique par excellence. Hein. Je sais pas si tu as vu l'espèce de la peau. Bon, en tout cas, j'ai lu les critiques, puis je l'ai vu par après. J'ai pensé que c'était un peu... C'est un peu suggestif, la position du suçage de, en tout cas. Ah ouais, ok. Tu l'as pas, en tout cas. Mais qu'il sorte en Blu-ray, tu le regarderas d'un autre angle, cette scène-là. C'est particulièrement. Moi, tu vois, vicieux. Cette scène-là, par exemple, c'est peut-être. C'est plate, là. C'est celle-là qui m'a le plus déçu, dans le sens que le trailer nous l'avait vraiment vendu. Ouais, mais. Ouais. Elle était hot, là. Elle était bien faite, elle était bien exécutée, là. Mais sérieux, là, l'exacto qui coupe la langue en deux, là, j'aurais voulu avoir la surprise. J'aurais vraiment voulu avoir la surprise. Oui, mais tu sais, en même temps, je veux dire, dans le trailer, fallait qu'il en sorte un fort. Fallait qu'il en sorte vraiment solide. Ils ont choisi celui-là. C'est pas le plus fort, je veux dire, il y en a d'autres. Mais tu sais, fallait qu'il sorte une fucking bombe là, pour que le monde il fasse comme « Ih! » Puis c'était ça, c'est celui-là qu'ils ont pris. Moi aussi, j'aurais aimé mieux l'avoir la surprise, mais je comprends la décision, tu sais. Mm-hmm, exactement. Puis... bon, là, elle va se faire... elle se fait mordre la main, c'est ça? Ouais, elle se fait mordre la main. Puis bon, la main qui s'infecte. Et ça, c'est la scène qui m'a le plus surpris. Là. C'est là où je me suis dit, aïe aïe, les effets spéciaux sont complètement mongols. La fille est dans la cuisine, elle va se couper la main. Mais à ce temps que tu attends la cote, tu l'attendais la cote. Oh, tout à fait. Pendant qu'elle est sur le bord d'aller se couper le bras, elle va se couper le bras, tu te dis, ça va coter. Ça va coter, là. Ça va coter, puis ça va tomber sur le faux bras. Mais non, c'est le couple-là. Comme, shit, c'était le faux bras depuis le début. Ah non, man, c'est épique. Ah, man. Puis en plus, c'est là qu'on a une des signatures les plus évidentes de Sam Raimi dans cette scène-là. C'est le blood spray, là. Man, a pu finir, là. Ça, c'est... Ah, oh, man. C'était malade, c'était sanglant, c'était de toute beauté. Mais... As-tu remarqué aussi que la lame, parce que là on parle qu'elle se coupe le bras, c'est quand même avec un couteau électrique. La lame, quand elle pogne l'os, le son change, la vitesse change, c'est parfait. C'est juste parfait. c'était délicieux. Là, t'as les deux gars qui reviennent, puis là, ça aussi c'était un autre bon punch, ça. Il avouait, puis elle est comme cachée à moitié, elle se tient le bras, tu fais comme, ils vont la voir. qu'il manque son bras. Non, non! Astiche, il est peint par un bout de cartilage. Man, c'était tellement génial, là, ça. Tu sais, tu te dis, hey, tu viens déjà de me surprendre avec le coupage de bras qui a pas eu de cut pis tout ça, pis que c'était super bien fait. Là, tu viens en plus de me montrer que le bras est pas coupé au complet pis qu'il pend. Ah, oh, c'est ce que j'ai aimé ça. Mais là, si, mettons, un fan de gore comme moi, une gore whore, après ça, là, le film aurait fini là, j'aurais été satisfait. Mais ton gore, non! Ton désir de gore était là. Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais non! T'avais eu de la face qui s'était fait arracher, t'avais eu qu'un gars qui glisse une joue, t'as eu du vomissage de sang. Le blood spray, moi, je vais t'avouer que j'adorais ça. Moi, ça me fait toujours triper. Puis bon, là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, évidemment, là, la blonde va se faire posséder aussi. Là, c'est le combat avec le gun à clous. Ouais, c'est quand même très cool, mais c'est peut-être la scène la plus faible du film, moi j'ai trouvé. Ben la scène la plus faible, ouais, en matière de combat, c'est, mais en même temps, je veux dire, c'est un peu brouillon, tu sais, ouais. C'est un peu brouillon, tu vois pas toujours qu'est-ce qui se passe, mais il y a quand même une couple de séquences qui sont très hâte, mais vas-y. Non, ben c'est entièrement d'accord, c'est sûr que c'est que disons qu'il y a une coupe de clous qui lande bien. Oui. Il a vraiment l'air mal pris. Je veux dire, son bras colle après son chest à cause des clous. Ça a l'air terriblement douloureux d'arracher ça, mais c'est bien fait. Quand elle frappe avec la barre à clous, la main qui se... Oh my god, que ça! C'est tellement brutal, ça. Sérieusement, là, c'était violent. Un fight violent comme j'en ai rarement vu. Écoute, on dirait que tu vois à l'endé chacun des coups de barre à clous. Tu sais? Ah, vraiment. Tu vois, moi, c'est le payoff de la scène. C'est la finale de la scène qui m'a déçu. Ben, tu sais, bon, il va y shooter l'autre bras avec le boomstick, puis il va... Tu sais, le bras va péter. Ouais. Puis c'est ça. Tu sais? Ouais, mais... Moi, je m'attendais, hein, pendant qu'elle s'en vient le voir, puis qu'elle pleure, puis que... Tu sais, elle est comme en train de mourir. Moi, je m'attendais à se carvir de bord. Moi, je voulais mon démembrement complet là. Là, c'est ça. Là, j'aimais un souhait, là. Parce que je sais que en Blu-ray, en DVD, on va avoir une version unrated. Ouais. J'espère que cette scène-là n'était pas finie. Puis qu'ils ont été obligés d'enlever le démembrement complet. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de ce personnage-là, justement, dans un Director's Cut. Parce que c'est le seul personnage, la blonde, là, qui est un peu secondaire, un peu abstrait, pas beaucoup de profondeur. C'est la moins attachante du lot. Là. Quand tu la vois, tu fais tout le temps « Ah oui, c'est vrai, là. Ouais. » Ouais, c'est ça. Exactement ça. Puis pourtant, c'est une de celles qui t'offre le plus longtemps. Mais que quand il se passe des affaires avec elle, t'en as plus ou moins... Tu t'en fous, là, tu sais. La docteur, t'es plus mal pour elle que la blonde, tu sais. Ouais, ben oui. Bon, après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on a nos deux doutes qui veulent se pousser, parce que là, on est convaincu que... Ah ben non, notre prof, on pense qu'il est mort, il l'est pas. Ouais, non, c'est ça. Lui, là, ça c'est drôle. Il est fait fort en esti. Ben, tu sais, là, c'est lui qui a comme libéré le démon, là. Ouais. On dirait qu'il paye pour ça. C'est vrai qu'il m'emmène de ça. Christy de voler. Ben, man, tu vas toffer puis tu vas souffrir longtemps. Il souffre en Christy. Ah, puis son œil tout le long du film qui est comme rouge de sang. Là, ouais, ça marche. Regardez, là. Ah, toutes les fois que tu vois son œil rouge, tu fais comme ah oui, c'est vrai, si, c'est fait poignarder avec une aiguille. Puis, bon, là, c'est sûr qu'il file pas. Non, là, ce qui arrive, c'est que dans mes souvenirs, c'est le grand frère qui essaie de partir avec, qui veut finalement partir avec sa sœur, parce que là, il sait que la seule façon de poser outre la malédiction, c'est de la tuer, sa sœur. Oui, c'est ça. Donc là, il veut l'enterrer vivante. Oui, c'est ça. Il décide qu'il va l'enterrer vivante, il se prépare, il prépare des trucs. À ce moment-là, moi, j'étais comme en train de me demander qu'est-ce qu'il fait, surtout le truc de la batterie avec les deux scènes. Ça... en train de te demander qu'est-ce qu'il fait là, tu sais. Ouais. Bon, puis là, bon, il s'en va dans le sous-sol, petit fight avec la sœur. Ah, man, le peu jump scare que j'ai eu de ce film-là, moi. Ça t'a plu, c'était quoi? Ben, c'est elle, quand elle finit par apparaître. Parce qu'elle est tellement épeurante, elle est tellement laide. à faire un job en salle. C'est fou, parce que là, tout le monde, il descend dans la cave pour le... On sait qu'elle va sortir, on sait qu'elle va nous faire le saut, mais c'est comment est-ce que ça arrive? C'est pas grand-chose, ça se passe au ralenti, c'est pas un cheap scare, c'est son visage qui sort de l'ombre, mais my God, son visage est tellement décalé. Oui, c'est vrai, comme caché dans le coin de la pièce. J'ai manqué de me chier dessus, man, c'était fou, j'ai adoré ça, c'était de toute beauté. Hey, parenthèse. Okay? Vas-y. Tellement pas d'accord avec le monde qui disent que les possédés de l'original sont plus épeurants. Ah non, ben non, voyons. Si quelqu'un qui dit ça, là, s'il vous plaît, réécoutez le film comme faux, là. Tu sais, oui, peut-être que. Oui, peut-être c'est le fun de les voir plus rapides. Tu sais, parce que, à part Mia, tu sais, les autres sont quand même comme plus des zombies, si on veut, tu sais. Ouais, on ressemblait à plus des zombies à la Walking Dead, tout ça. Mais les maquillages vont être solides. Mais. Hey, dans l'ancien, là, oui, les filles crient, puis ils rient, puis ils font des faces un peu freak, là. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Mia fait dans ce film-là, là. Pas juste Mia, quand on parlait de l'infirmière, là. Quand la scène qu'on a vue, même dans le trailer, là, quand elle rentre par terre avec la face à moitié arrachée. Ouais. My God, ce qu'ils ont fait aux yeux, tu sais, ils ont comme jauni le tour, puis de la façon qu'ils sont, perçants, ils sont solides, pis on voit que ça dans les visages. Les yeux viennent nous chercher. C'est marquant. Moi, sérieusement, ils m'ont foutu la chienne solide, là, puis non, l'original, ça compte pas. L'original, il y avait le charme, justement, du make-up mal fait, le fait qu'il était un peu plus creepant dans le sens où, justement, il riait, puis il parlait, mais... Ouais, il était plus folle. Ouais, c'est ça. Il était troublante. Il était pas épeurante, il était troublante. Tout à fait, ça l'enlève rien, là, mais ça a rien à voir, là. Tu sais, même, je dirais que la faiblesse de le maquillage lui donnait un certain charme, mais ça, c'est tout le côté grindhouse de ce film-là qu'on aime bien, là. Là, tu sais, si on parle de niveau peur, là. Ah non. M'excuse, là. À un moment donné, faut. Tant mieux si les originaux font plus peur, mais j'ai de la misère à le croire. Moi, je cale la nostalgie, là, rendu là, tu sais. Ah non, même, écoute, j'ai vu le film, puis à toutes les fois que je voyais le trailer, à toutes les fois que j'ai vu passer à la télé, ça marche, là, c'est efficace, là, je veux dire. Oui, mais c'est ça, cette scène-là, justement, quand elle sort de l'ombre, non, là, c'était plus qu'une petite frousse, là, c'est my God que j'ai eu peur. Ah oui. Puis là, bon, petit combat, il finit par la mettre knock-out. Ah, c'est l'autre gars qui ouais, oui, c'est notre. On était convaincus qu'il était mort, puis non, il était là. Ouais, il était toujours vivant. Bon, puis là c'est, je pense que c'est peut-être la scène que tout le monde, que la plupart du monde qui vont avoir une scène à chialer contre le film, c'est celle-là qui vont se plaindre. Ben, il l'enterre vivante. Moi aussi. Ben, c'est pas le fait qu'il l'enterre vivante, c'est pas. C'est le fait qu'elle ressuscite. Ben, c'est son bidule. Ah, son bidule. C'est son invention. Un paquet de seringues TP plugué sur une batterie 12 volts qui sert de défibrillateur. C'était faible, ça. Mais je veux dire. C'est correct. J'y ai tellement pardonné. Mais je veux dire, faut. Mettons qu'on veut en donner des points négatifs, là. Moi, j'ai trouvé que cette idée-là était très faible. J'ai deux autres points négatifs sur tout le film. Puis on va en parler tantôt, mais c'est tout. Puis ça l'enlève à rien, là. Tu sais, c'est juste comme si c'était un bidule tout croche. Puis je trouve que. Le but, c'était de faire revenir Mia. Ouais. Tu sais, à la limite, là. Tu sais, quand il sort du trou, là, tu sais, parce que là, il l'a mis dans le trou, elle est enterrée, puis là, il entend comme des battements de cœur, puis oups, c'est fini. Fait qu'il sort du trou en se disant, OK, c'est beau, est correct. Puis justement, quand il sort, est correct, puis là, il a fait revivre. Ben, à la limite, moi, j'aurais juste fait que quand il sort du trou, là, il fait le bon vieux. Le bon vieux CPR, je te donne des coups sur le cœur, là, puis je fais le bouche à bouche. Ouais, ça aurait pu. Ça aurait passé. Là, c'était juste pour nous faire comme un genre de « What the fuck que c'est ça? » Ouais. Je pense que c'était plus pour la surprise. Là, ça facteur. Faisait très MacGyver, mettons, comme technique. Oui. Mais tu sais, moi, c'est drôle parce que quand on le voit monter ce genre d'accessoire-là, j'étais sûr que ça allait être pour tuer quelqu'un. Ah oui, je pensais que c'était une bombe. Ah oui, ben oui, pourquoi pas. Mais moi, je pensais qu'il allait genre plugger ça dans quelqu'un puis... mettre la batterie à fond puis juste la regarder griller, là, tu sais, là. C'est bon. Mais c'est ça, puis là, c'est bon, c'est la surprise, parce que, bon, moi, quand j'avais lu, entendu parler du film, ce que j'avais entendu parler, c'était que Mia était la hache. Tout à fait. Là, moi, quand elle s'est faite posséder au début, j'étais comme, OK, là, je comprends plus, là. C'est elle la hache du film, mais elle est possédée. Je sais pas si toi, à ce moment-là, t'étais comme... Ben, moi, ce qui arrivait, c'est que depuis un bout... Tu sais, j'avais compris que là, tu dis la hache du film, mais on s'entend que y a pas de hache. Non, non, il y a pas de... Il essaie pas de recréer le personnage, et ça, c'est une très bonne décision, parce que jamais, il aurait pu recréer le personnage de Ash sans Bruce Campbell, puis Bruce Campbell, il est rendu trop vieux pour faire Ash. Sens que c'est la Survivor Girl, tu sais. C'est ça, mais moi aussi, quand ça a été une de mes belles surprises, justement, je pense que c'est Diablo Cody, justement, qui avait dit qu'elle, ça serait une protagoniste dans ce film-là. Fait que, oui, moi aussi, exactement, rendu là, écoute, je savais que c'était une fausse fin, parce que il en restait, c'était évident que c'était une fausse fin quand tu vois que bon, Mia revient, tout est beau, tout est correct. C'était évident pour moi que c'était pas comme ça que ça finissait. Ah, c'est ça, mais j'avais le même feeling que toi. Comme, c'est pas. Il manque quelque chose, il manque de la viande. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Puis la viande, on l'a-tu ou bien on l'a pas? La viande, on l'a en tabarnak. Tout le long de ce film-là, le pacing. Est parfait. Dans le sens où ça commence tranquillement, puis après ça, t'as un gros rush de tuerie, un plus gros rush de tuerie, ça arrête plus de saigner, puis là, on a une petite fausse fin tranquille comme ça, puis là, bang, ça y est. L'apocalypse arrive, on comprend assez vite que finalement, l'espèce de démon a eu ses 5 âmes. C'est le fucking apocalypse, disons-le, c'est carrément ça. Pour une raison, je me souviens plus trop pourquoi le frère retourne à l'intérieur de la maison. Il retourne à l'intérieur de la maison. Chercher les clés du truc. Voir un truc de même, ou en tout cas, il veut peut-être aller mettre la maison. Je pense qu'il va aller mettre le feu à la maison. Oui, c'est exactement ça. Il va aller mettre le feu à la maison, puis là, ben le gars qui est jamais mort du film, évidemment, il est mort. Ouais, ben c'est ça, la maison explose avec lui dedans. Ouais, fait que c'est ça. T'sais, mais on comprend que le frère a probablement jamais eu le temps d'être possédé. T'sais. Non. Ouais, c'est ça. Là... Mais moi, tu vois, moi, ce que j'ai eu comme feeling, puis tu me diras ce que t'en penses, c'est j'ai comme eu l'impression que c'était comme le démon qui faisait comme, OK, là, c'est l'énergie du désespoir, là. C'est pas vrai que tout le monde va mourir, puis qu'elle, elle va sacrer son camp. Il faut que je la convertisse. Faut que son âme à elle, tu sais. Moi, vois-tu, l'impression que j'ai eue, c'est que c'est ça. C'est... Malgré le fait qu'on la voit, elle, comme redevenue normale, j'ai l'impression que c'est comme un choix du démon qui a fait comme... comment je dirais ça? J'en ai pas fini. Ouais, c'est un peu, ça revient un peu à ce que tu disais. J'en ai pas fini avec elle, là, tu sais. Ouais. Puis, ouais, là, je te laisse y aller. Ben là, il arrive quelque chose de fucking extraordinaire que j'avais jamais vu dans un film. Puis que j'ai tellement toujours voulu voir ça. Il se met à mouiller du sang, man. Il pleut du sang. À pu finir, man. Comme un gamin dans la salle de cinéma, j'avais les jambes qui shakaient, j'avais le goût de me lever debout puis crier comme « Hourra, c'était fucking génial ». Puis tu sais, je veux dire, c'est hot, là, c'est super bien fait, il mouille du sang. Ça mouille. C'est efficace. Là, tu sais que ça va pas bien parce que là, le sol commence à s'effondrer et puis qui sait qui sort du sol? Ben, appelons-la la démone. Moi, j'avais l'impression que c'était la fille du début. C'est ça, c'était en plein elle. Ouais, c'est pour ça que je dis la démon, là. Okay. Comment je pourrais... C'est-tu pas creepant comment est-ce qu'elle sort, comment est-ce qu'elle bouge, comment qu'elle se déplace? Elle rampe à terre, elle est tout nue, elle est maigre, tu vois toute la colonne qui est ressortie, c'est fucking hardcore. Mais en plus, ben là, écoute, elle se fait inonder d'une pluie de sang, c'est de toute beauté. Puis elle rampe à terre, puis fuck, elle s'en va chercher Mia. My God, qu'est-ce que c'est? Oh man, c'était, tu sais, over the top, je capotais. Ah. Parce que c'était pas, le pire, c'est que c'était pas un over the top cheesy que là tu non, ris. Non, c'était over the top comme qu'on veut là. C'était vraiment, tu sais, tu sens que t'es dans le dernier acte de ce film là, puis que ça, ça va te tenir sur le bout de mon siège. Puis là, c'est ça, c'est que là, bon, elle veut Mia, elle veut évidemment bouffer son dent. Juste dans sa façon de se déplacer, ta voix virée autour des coins était peurante, man, et creepante. Ouais. C'est merveilleux. C'est de toute beauté. Petite chicane. Mia finit par aller chercher la fameuse chainsaw. Ouais. La fameuse chainsaw dans le cabanon. C'était nécessaire, je veux dire. Un Evil Dead, pas de chainsaw. C'est drôle, moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'aurais pris la machette. Ah oh, non. Mais admettons, là, tu pognes la chainsaw, elle est vide. Ouais. Il y a une machette à côté. Qu'est-ce que tu fais? Non, ben moi, là, je pogne la machette, là, tu sais. On voit qu'elle est habile pour remplir. Ça prenait la chainsaw. On voit qu'elle est habile, en plus, pour remplir une chainsaw. Fait ça, juste. Hein. Ouais. Il y a une espèce de fight avec la chainsaw que je trouve ça vraiment cool que c'est une chainsaw particulière parce qu'elle a jamais besoin que tu tiennes le gaz pour virer. Tu sais, ouais. En tout cas, mais c'est un vieux modèle, peut-être qu'il n'y avait pas de safety dans ce temps-là. Pas vraiment important. Il y a une scène fucking hardcore où ils se battent, l'espèce de démo faire virer la Jeep sur Mia sur sa main man, et pris. Man. C'est solide, hein, ça. On avait déjà eu un bras coupé, tu sais, puis on avait été satisfait. Puis là, on se dit, vraiment, là, en plus, ça va perdre une main, mais ça, ça fait référence à, évidemment, à Ash. Mais écoute, c'est encore plus génial dans le sens que je disais tantôt, c'est que tu penses que t'en as eu plein la gueule, mais non, il y en a d'autres encore, ça finit plus. Parce que là, c'est ça, écoute, sa main est coincée en dessous du Jeep, puis elle essaye de partir la chainsaw, puis là, on comprend qu'elle veut se couper la main, là, parce qu'elle est coincée, puis que le démon s'en vient la manger, mais non. Mais non. La chainsaw part pas. Fait qu'elle va tirer sur sa main jusqu'à temps qu'elle arrache. C'est mon goal. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça. Pas de CGI, hein, des effets pratiques. Et on voit très bien la main arrachée. Dans tous les détails. C'est de toute beauté. Bon, on finit par se déprendre. Et puis là, avec sa main, pogne la chainsaw. Puis, man, on a le kill final. Le plus satisfaisant que j'ai vu depuis des années. Depuis, je pense que j'avais vu Frontière. Je sais pas si l'avais-tu vu, toi, Frontière? Ah, il y avait un kill avec une bone saw fucking extraordinaire. Mais là, c'est ça. C'est que la chainsaw en pleine tête de ce démon-là, mais de la façon la plus brutale que ça aurait pas pu être filmé. Moi, j'appelais ça un blowjob de chainsaw. Ben, c'était la deuxième référence. Je te parlais de l'exacto tantôt. C'était une deuxième qui est assez... Parce que de la façon que c'est filmé, quand on voit juste les deux ombres de loin, ouais. C'est tout à fait ça. Mais encore une fois, c'est gore, c'est de toute beauté. Écoute, on voit la fille en train de tronçonner la tête en deux dans le sens... dans vertical. Pendant qu'il mouille du sang à plus finir, c'est l'apocalypse. T'as le background de la maison qui est en train de cramer. C'était wow! Délicieux. Moi, à ce moment-là, je pouvais pas ne pas passer le commentaire. Je me vire vers ma blonde puis je me disais, je pensais pas qu'il pouvait y avoir encore plus de sang. Ah non, il mouille du sang, là. Il y a du sang partout. Là. Mais là, la chaîne ça dans la tête du démon. Puis ça pisse le sang. T'es comme, voyons, Colin, il y en a qui revient d'en bas, puis il y en a qui viennent d'en haut. Ah, c'est C'est un sprinkler de sang. Il mouille du sang, ça finit juste plus. Puis c'est ça, avec la maison en flamme en background, c'est comme, waouh! Over the top. Non, waouh. C'est la fin. Et c'est la fin. Ça finit sur un beau close-up, justement, de l'actrice principale qui. Chris, il est inquiétant. On comprend que c'est fini, on comprend qu'elle n'est pas possédée, on comprend que c'est la fin, qu'elle est épuisée, qu'elle a trouvé ça dur. Mais, asti, c'est inquiétant. Ouais. Ça peut, il va se passer de quoi, tu sais. T'as l'impression qu'il va se passer de quoi là, un peu comme dans le premier, mais dans l'original, mais non. Puis là, tu fais comme, Colin. Mais écoute, il fallait que ça finisse parce que ça pouvait pas mieux finir que ça. Non, c'est ça. J'en parle, là, j'étais encore tout de suite le gros œil, puis si ça serait pas que je suis seul à la maison, je partirais là aller le réécouter au cinéma. Ah, man, c'est rare que je fais ça, là, aller voir un film deux fois au cinéma, mais lui, j'ai vraiment le goût. Seb, on y va-tu avec... dans le temps qu'on faisait le remake. Le remake de Deschamps, ce qui, dans le fond, c'est pas loin de ça. On est juste toi et moi, puis on parle d'un remake. Ouais, c'est juste que, tu sais, on n'est pas allé dans la profondeur du premier, tu sais, on est... on s'entend que c'est un classique, là. Ouais. Vas-y donc, tes points forts, tes points faibles, puis je vais... Je vais commencer avec mes points faibles, tu iras avec tes points faibles ensuite. Vendu. OK. On n'en donnera pas trois, parce que je pense pas que je vais en avoir trois. On a dit tantôt un peu la façon dont ils font revenir Mia, tu sais. Ouais, tout à fait. Sans que c'est vraiment trop forcé à ce moment-là. Puis c'est un peu décevant, tu sais, parce que le film était quand même bien écrit jusque-là. Le film réussissait à te surprendre puis à être original. Puis à ce moment-là, oui, c'était original, ça, on peut pas l'enlever, mais ça marchait pas. Non, je suis d'accord avec ça. Ça faisait partie aussi de mes points. Puis, ben moi, c'est vraiment plus les gadgets, le côté gadget de cette bubble-là. J'ai fait puis, tu sais, quand je disais MacGyver tantôt, c'est vraiment le feeling que ça m'a donné. J'avoue, là, tu le dis, puis c'est vraiment ce feeling-là. Sinon, c'est pas le film épeurant dont je m'attendais. Dans le sens que, quand j'ai eu fini le film, je suis pas sorti avec un sentiment. C'est sûr que c'était au cinéma, c'est pas le même feeling que si j'étais chez nous, mais d'après moi, j'aurais eu le même feeling qu'en le finissant chez nous. J'ai pas eu un feeling de hostiche, va falloir que j'allume toutes les lumières en arrivant à la maison. Je suis sorti de là avec un smile dans la face. Mais tu sais, si tu vois, c'est un point fort et un point faible à la fois, tu sais. C'est que j'avais le goût d'avoir peur. Mais vraiment, là, d'avoir peur, d'avoir la chienne. Là. Mais rapidement, le film, les jump scares font plus effet après peut-être la moitié du film, tu sais. Ouais, ben, y en a pas beaucoup, hein, faut le dire. Y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui sont efficaces, mais maintenant on finit par comprendre un peu son pattern dans la réalisation, puis on les voit venir, tu sais. Puis j'ai-tu un autre point faible? Écoute, non. Ben, non, moi je vais y aller. Je vais juste commenter sur ton dernier, si ça te dérange pas, le fait que c'est pas été le film de peur que t'avais espéré. Moi, on dirait que je m'attendais pas à avoir peur à cause justement de la série Evil Dead. Que oui, on s'entend que le premier des trois, c'est le plus, disons, le plus sérieux, c'est celui qui est moins goofy que la gang. Mais je m'attendais quand même pas à avoir peur. Puis comme on en a parlé tantôt, c'est que le personnage d'Emilia en démon, vraiment, il m'a foutu la chienne sévèrement. Mais comme pareil comme toi, quand je suis sorti de la salle, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, mais tu sais, c'est un sourire de satisfaction. Là. J'avais ce que je voulais. Là. Exact. Toi, côté point faible? C'est ça, tu voulais, t'en avais quelques-uns en réserve? J'en ai trois. Mais le premier, c'est le MacGyver, on en a parlé, ça. On en reviendra pas. Le deuxième, c'est vraiment parce que, pour être nitpicky, là, parce qu'un film parfait, ça n'existe pas, puis qu'il faut que j'y trouve des défauts, OK? Dans la trame sonore, à la fin, quand tout est over the top, quand ça brasse, même à partir des fights dans la maison, c'est inquiétant, c'est troublant, on a une bonne ambiance, une bonne musique, mais ils ont été rajoutés une sirène, tu sais, les sirènes. C'était dans mes points forts. Pour vrai? Oui. Je trouve qu'elle n'est pas à sa place, je trouve qu'elle n'a pas rapport. Ouais. C'est pas comme dans Silent Hill où c'était nécessaire. Cette sirène-là m'a gossé, je fais comme, qu'est-ce que ça fait là? Moi, honnêtement, elle m'a agressé, je l'ai pas aimé, pantoute, mais c'est dans tes points forts, j'imagine que peut-être que l'effet était voulu. Mais moi, quand elle arrivait, là, c'était comme si elle me faisait shaker de l'intérieur, là. C'était comme si, c'était comme si le film me gueulait après, là. J'avais comme l'impression que le film, c'était l'entité du film qui me gueulait après, au complet. Ouais, mais, sais-tu, moi, j'aurais mis à la place quelque chose comme qu'on avait dans, inside, à l'intérieur, un fucking noise hardcore vraiment trop pitché qui ressemble à une tonne de Skrillex, là, ça aurait fait pas mal plus la job qu'une sirène, pas un bruit physique, j'aurais eu besoin de quelque chose. T'as un son que tu connais pas sa provenance, t'as l'impression que ça vient directement de l'enfer, là. T'sais, c'est ça que ça m'aurait pris. Mais encore une fois, je te dis, c'est vraiment pour être net piqué, pour aller chercher des petits détails. Bon, puis mon troisième point faible, encore une fois, là, c'est vraiment pour être net piqué, c'est au niveau du traitement de l'image. Quand on a vu les premières photos de Mia dans la face, la trappe dans le plancher, as-tu remarqué le niveau des couleurs? C'est complètement fou. C'est de toute beauté. Tandis que tout le film est... Puis ça, c'est typique des films aujourd'hui, là. C'est les années 2000, c'est ça. Le film est complètement désaturé. Tout est gris. Puis ça, je pensais qu'à cause de justement les premières images que j'avais vues, ça aurait été pour être le contraire, tu sais, des belles couleurs vives, puis que ça aurait été hot, puis on aurait tout super bien vu. Ça m'a juste déçu parce que je m'étais comme fait une attente à cause des premières images que j'avais vues. Je m'étais dit, hey, ça serait hot qu'il y ait jusqu'à pousser ça. Mais bon, écoute, c'est pas un gros point faible, là. C'est du net piqué. J'aurais aimé ça, tu sais, tout voir, puis tout bien voir, là. Mais c'est ça, écoute, les années 2000, tout est désaturé. Tous les films d'horreur ressemblent à Gears of War. C'est la faute à Décadence. Chris, ouais. Disons, là, il est responsable en grosse partie de ça. Mais c'est ça, c'est un petit point. Mais écoute, c'est pour en trouver, là. Vas-y donc avec tes points forts. Ouais. Ben écoute, moi, je veux le dire, la trame sonore du film. Ah ouais. La trame sonore du film, moi, là, tout le long, je l'ai trouvé vraiment intéressante. Toute la trame, moi, je l'ai trouvé bonne, là. C'est vraiment juste la sirène dans les gros moments qui m'a glacé. Moi, je l'inclus, là, tu sais. Okay. La trame sonore, j'ai trouvé qu'elle m'en donnait. Puis, justement, moi, à la fin, la sirène, c'était comme... Tu l'as dit, le film, à la fin, devient comme trop over the top. Il mouille du sang, puis, tu sais, tout ça. Moi, à ce moment-là, c'était comme si le film... fallait que la trame sonore suive le reste, tu sais. C'était ça. Puis, j'étais justement content que, contrairement à ce qu'on est habitué de voir, que ça n'ait pas été dans l'électronique. Dans le sens, ça aurait facilement pu être du gros dubstep, là. Il y en avait dans le trailer, puis c'est pour ça m'avait fait peur. Hey. Puis, autre qualité qui s'en vient un peu d'un côté que je suis content qu'il n'y ait pas eu de dubstep dans la trame sonore du film ou de gros trucs électro, j'étais content qu'on n'avait pas une réalisation à la MTV. Oh. Tu sais, ça aurait pu tomber dans une réalisation cool, vraiment là, tu sais, là, à la mode ou quoi que ce soit. Avec des personnages ultra superficiels. Non, de ça, des plans, puis tout ça, c'était bon, tu sais, sa réalisation. Il a pas essayé d'imiter celle-là de Sam Raimi. Pas du tout. C'est à peine, je me demande si on a un traveling de caméra. Oui, on a un, je pense. Traveling de caméra, là, comme d'esprit, mais je mets un bémol. Oui, il y en a. Il y en a au début. Oui, puis d'ailleurs, il y en a tout un au début de tout. Il finit sur, justement, sur le démon, puis c'est une des passes qui m'a fait fucking... Ah, c'était cool. Mais faut-tu lui donner le crédit à ce gars-là? Il y a quoi comme dans les crédits de film? Il y a vraiment pas grand-chose, il y a des shorts. Man, c'est son premier film! C'est son premier long-métrage. Ce qui s'est passé, j'ai fait un petit peu de recherche à savoir c'était qui ce gars-là. Le gars a fait un short qui s'appelle Attaque de Panico, ou Panic Attack en tout cas. C'est des robots géants qui envahissent Montevideo, là. C'est un short qui dure 5 minutes, tu sais. Okay. Puis Sam Raimi voulait le financer pour qu'il fasse un long métrage avec ça. Wow. Sam Raimi avait comme dit, OK, tu vas faire un long métrage avec ton attaque de Panico. Puis ça a tombé à l'eau. Sauf que le gars, ben, il est avec Sam Raimi, puis ça a l'air que c'est un peu là-dessus que c'est un peu comme ça qu'il dit, j'aurais peut-être le goût de te faire Evil Dead. C'est quasiment un beau conte de fées, ça. Ouais, c'est t'imagines-tu? C'est malade. Il y a quatre courts-métrages, là, à sa filmographie, là. Wow. Puis après ça, c'est Evil Dead. Et là, il y a une rumeur très forte qui voudrait qu'il réalise Doctor Strange. Pour vrai? Ouais. Oh. Doctor Strange, un des prochains films de Marvel. Hey, tu veux-tu qu'on y aille des rumeurs très fortes? Président? Je sais qu'on n'a pas encore fini tes points forts, mais je voulais qu'on en parle tantôt, c'est avant que je l'oublie. Bon, il va y avoir une suite à ce Evil Dead-là. Notamment, on a vu à la fin, tu as vu à la fin du générique, moi j'étais pressé de partir, Ash, une apparition de Bruce Campbell. De Bruce Campbell qui fait son groovy traditionnel, un Ash. Il y a des rumeurs, puis ça c'est plus que des rumeurs d'Internet, là. C'est un petit peu plus fondé, c'est un petit peu plus sérieux, qui disent qu'il y aura une suite, probablement deux. Ouais. Et puis, ils vont essayer de merger les univers des trois premiers ainsi que des deux ou trois remakes. Là, c'est pas juste ça. Là. Sam Raimi a dit qu'il écrivait Evil Dead 4. La question qui a été posée suivrait Army of Darkness. Là, on aurait une suite à celui-là qu'on vient de voir. Et comme tu dis, après ça, on en aurait probablement un autre qui vient faire un merge. C'est très ambitieux, mais après ce que je viens de voir, je me dis qu'il n'y a rien d'impossible. Non, puis moi, regarde, donnez-moi-en. Continue donc dans tes points forts. Je t'avais parlé de la réalisation, je t'ai parlé de la trame sonore. On l'a dit, je ne m'éterniserai pas. J'ai aimé la prémisse. J'ai trouvé que ça a bien servi. Et j'ai aimé que ce film-là n'est pas un remake. Plan par plan ou idée par idée. Y a-t-il quelqu'un qui meurt comme il est déjà mort? Non. Tu sais, si on va vraiment chercher là, ce qui est Evil Dead là-dedans, de la mythologie, le viol de la forêt, la cabane dans le bois, la trappe dans le plancher. La chainsaw. Oui, tout c'est à fait. Cool. Mais en même temps, je veux dire, ça a quand même respecté beaucoup l'idéologie à cause de ces éléments-là. Mais c'est ça, mais tu reconnais Evil Dead là-dedans sans être en train d'écouter puis de te dire tout le temps, ah là, ça va être la passe ou ce que, tatati tatata. C'est jamais la passe de... Tu sais, le film, à un moment donné, tu finis juste par faire comme, OK, je sais pas où il s'en va, puis je suis content, tu sais. J'ai pogné, juste avant qu'on fasse le podcast, j'ai pogné une entrevue que Fede Alvarez avait donnée, puis il a dit que avant de commencer à travailler sur Evil Dead, ça faisait 6 ans qu'il avait pas vu l'original. Puis il a dit, je l'ai pas réécouté. Bon choix. Le film. Il dit, je l'ai pas réécouté. Il dit, j'avais juste en mémoire ce que c'était Evil Dead. Evil Dead, c'est ça. T'sais, c'est un concept. Comme tu dis, on reconnaît Evil Dead dedans. Puis c'était exactement ça. Moi aussi, quand je l'ai écouté hier, c'était peut-être un 2-3 ans. J'écoute pas un Evil Dead à tous les années. Je suis pas de ceux-là. Là, t'sais. C'est pas une religion. J'aime bien l'écouter, mais t'sais, ça prend pas bien Evil d'autres. Dead tout le temps. Il faut que je laisse décanter. Oh, ouais. Justement, tu sais, quand j'écoutais le film, sans me rappeler de l'original par cœur, j'étais capable de tout absorber l'essence d'Evil Dead. Ah, oh, ben oui, tout à fait. Et non, c'est ça, fait que c'est mon autre point fort. Toi? Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. À part ben, pour la trame sonore, c'est juste. La trame sonore, je l'ai aimé, je l'ai vraiment aimé, mais le horn, il m'a tombé ses nerfs. Le jeu des comédiens. Il n'y en a aucun qui est mauvais. Il n'y en a aucun qui est mauvais. On a parlé de la blonde de un de nos protagonistes là, qui est un peu... elle est comme pas trop présente, mais ça n'a rien à voir avec son jeu. Je veux dire, tout le monde est bon. Il torche toute la gang. Là, c'est solide, solide, solide. D'autres points forts, les clins d'œil. Les clins d'œil, justement, aux fans finis comme moi, il y en a des tonnes. Que ce soit même les t-shirts de band, les t-shirts de Michigan State, c'est du retour. Les cartes sur la table, c'est pareil comme dans le original. Oui, c'est vrai, les cartes, c'est pareil. Un paquet de petits clins d'œil, il y en a des tonnes. Puis c'est agréable pour un fan fini, parce qu'il y en a, écoute, il y en a qui sont évidents, puis il y en a, il faut que tu sois un fan fini pour les avoir vus. J'ai adoré. C'est comme, on avait besoin, ils pouvaient pas passer à côté, mais d'en mettre autant, là, c'est vraiment une belle table dans le dos. Là. Vraiment. À part de ça, je pense que tout a été dit. De toute façon, on pourrait, je pense que c'est évident qu'on a adoré, qu'on pourrait révérencer ce film-là d'un bout à l'autre. Je suis content. Avoir et donner une note, là, honnêtement, c'est un des meilleurs films que j'ai vu depuis longtemps. By the way, Internet, arrêtez de le comparer à Cabin in the Woods. Ça n'a fucking rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je trouve ça dingue. Mais tout ça pour dire que c'est le meilleur film que j'ai vu cette année, sans aucun doute, que j'ai vu depuis longtemps. Avoir donné une note, là, parce que je crois pas au film parfait, ça serait un gros 9.5 sur 10 à 100 000 alors. C'est un 9.5 aussi de mon bord. Là. Faudrait que je le réécoute. Là. Ça jouera entre les deux. Là, mais... quand je suis sorti du cinéma, c'était un 9.5, puis je te dirais peut-être un 9. Puis, tu sais, je suis encore sur le hype de l'avoir vu, même si ça fait deux jours de ça. Puis ça paraît, probablement. Mais j'ai tout le temps le goût d'en parler à quelqu'un. J'ai tout le temps le goût de le revoir aussi. Mais bon, écoute, ça va peut-être passer. Peut-être comme bien des films, je vais me overdoser de ce film-là. Mais je pense qu'il y a le potentiel de plein de choses. Il y a le potentiel de très bien vieillir. Oui. Que c'est le genre de film que je vais pouvoir justement mettre dans ma rotation régulière de films que j'écoute à tous les années. Ça, je pense que ça, il va avoir une place. Je pense qu'il y a une place pour être un futur film culte, honnêtement. Là. Il est dans sa place avec le nom Evil Dead. Je suis pas gêné de dire que c'est le dernier Evil Dead. Puis, non, c'est ça. Il va bien vieillir. J'ai hâte au Blu-ray. Autant pour voir le Unrated. Je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis pour voir le making-of, écoute, ce film-là fait de la magie avec ses effets spéciaux. C'est tu sais, quand on parle, là, quand on parlait souvent dans nos Remake Edition que les effets spéciaux pratiques sont toujours mieux que par ordinateur. On a le meilleur exemple. Oh oui, tout à fait. C'était meilleur que tous les effets spéciaux CGI que j'ai vu de ma vie. Ça, c'est incontestable. Ah non, c'était parfait. Je pense que j'avais dit en début d'année que 2013 serait une bonne année pour l'horreur parce qu'on avait plein de promesses. Notamment récemment, on a vu Sinister qui était fucking excellent. Celui-là était très bon. Là, mon gars, mes espérances sont immenses pour Lords of Salem de Rob Zombie qui arrive à la fin du mois. J'ai rien vu encore. Hey, ce film-là, là, je me suis gardé toutes les surprises qu'il pouvait. Ah, j'ai vu aucun trailer, mais j'ai aucun synopsis. À date, le trailer qui est sorti, tu peux te permettre d'aller le voir parce que c'est pas un trailer, comment je te dirais, avec plein de scènes cotées. C'est un trailer ambiant, c'est très Rob Zombie, c'est très... Tu peux te permettre d'aller le voir, moi ça a marché, ça a fonctionné pour moi. Là, il m'a donné bien gros du hype pour ce film-là, j'y crois à 100 000 à l'heure, j'ai bien hâte. Mais là, tu sais, Evil Dead, c'était mes deux gros films de l'année que j'attendais, Evil Dead et Lords of Salem. Texas Chainsaw Massacre 3-2, mais ça on n'en parlera pas. Fait que c'est ça, les espérances sont très très très hautes. Je pense pas que Lords of Salem va réussir à torcher ça pour mon film de l'année. S'il réussit, tant mieux. On en glisse juste un petit mot là, mais Hatchet 3 quand même. Oui, mais quoi qui s'est passé? Ben oui, mais c'est pas Adam Green. C'est juste ça qui me fatigue. J'avais pas vu les nouvelles encore, juste vu les gros titres, puis là tu viens de cacher mon fun là. Il a été coproduit par mettre à terre, puis je vais prendre une bière puis pleurer un petit peu. Je m'excuse. Je pense, mais le pire c'est qu'il faut pas le voir comme ça, parce que tout comme notre Evil Dead, je pense qu'Adam Green a pris le rôle de producteur. Je suis pas sûr à 100% de ce que je te dis. Je sais qu'il est pas trop loin de ce film-là. Là. Je te suggère de jeter aussi un œil au film, la bande-annonce du film No One Lives. Qui semble plus on dirait un genre de rape and revenge, mais de la part d'un gars. Il se fait kidnapper avec sa blonde se fait tuer et il décide de faire payer le monde. C'est peut-être moins de l'horreur, mais ça a l'air gore à souhait. Excellent, ça. Ouais, No One Lives, tu jettes un coup d'œil à ça. Je pense que ça conclut notre épisode. Ouais, écoute. Merci, Seth, c'était trippant en salle. C'était le fun d'en jaser, là, j'avais le goût là, d'en jaser avec quelqu'un. On s'en était pas parlé, hein, dans les shows, pas Non, c'est ça, on s'était rien gâché, là, on avait juste le goût de s'en jaser pour vrai. Je pense que sans même s'en être parlé, on savait toutes les deux qu'on avait trippé comme des malades. Ah, on commence à se connaître. Ouais, c'est clair. Tu sais, là. Ouais, c'est ça, on va fermer ça ce show-là. Oh, je vais fermer ça sur une toune d'occasion, mon seul. Oui! Mais oui. Fan de métal, vous allez être servi. J'ai choisi la meilleure toune pour représenter le film. C'est Raining Blood de Slayer. Parce que ça prenait juste ça. Fait que merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Si vous voulez en parler, funjoueurjeu.ca. Si vous voulez en jaser avec nous. Écoute, hey, on veut en jaser. Il y a eu notre collaborateur Jean-François Tremblay qui en a fait un peu qui a comme dit un peu en gros qu'est-ce qu'il en pensait. Ça aurait peut-être même été intéressant de l'avoir au show à soir, Jean-François, pour qu'il en jase. Parce que Jean-François est un peu à l'opposé de nous. Sinon, ça n'aurait pas été le fun d'abord. Ah, mais non, mais Jean-François, il a quand même ses bons arguments. Puis, c'est un puriste. Mais c'est quand même intéressant ce qu'il a à dire. J'aurais aimé l'entendre développer là-dessus. Tu sais. Je l'ai lu. Est-ce que tu sais si Jean-François nous écoute? Je sais pas. En tout cas, s'il nous écoute, dans tout le respect, hein, parce que c'est bien évident que j'ai adoré ce film-là, comparer les démons d'Evil Dead avec Demons de Bava, c'est vrai que les démons de Bava sont extraordinaires, mais on parle de... Écoute, c'est comme comparer Décadence avec Paranormal Activity, là. Ça se fait pas, ça marche pas, là. C'est pas des démons, on est possédés, là. C'est ça, tu sais. C'est vrai que Demons et Demons 2 de Bava, c'est extraordinaire, ça. C'est comme comparer les zombies de Walking Dead avec les infectés de 28 jours plus tard. Hey, je suis en train de finir la troisième saison de Walking Dead, puis je commence à être déçu. Hey, on va aller écouter à ton Raining Blood Slayer, Season in the Abyss. Prochain show, probablement la semaine prochaine, parce que là, tout le monde, pas personne n'est venu, parce que bon... Personne l'a vu. Ouais, puis c'est malade chez Steph, puis finalement, je pense que René pouvait pas, en tout cas, compliqué. Ça va la semaine être prochaine. Des sujets. American Berry, puis finalement, ma critique de Zombie U. Hey, enfin! Enfin! Ben, de toute façon, il y a personne qui achète des Wii U, fait que quand même que j'en parlerai dans 3 ans, ça va être encore un nouveau jeu. Fait que c'est ça, funjojo.ca, puis horrorgamer@gmail.com. Ciao!